comme un refrain. Quand tout s'achève, ça me revient. Si tu crois aux merveilles et aux contes de fées, tu peux voir la lumière dans l'obscurité. Je crois en mon étoile, je prends le meilleur de chaque instant. Je suis ma bonne étoile.